J'ai commencé à prier, on m'a appelé Mohamed. La vie me paraît moins amère, je suis en accord avec moi-même. Pendant des mois, man, j'ai cultivé ma colère, utilisé ma couleur pour justifier mes échecs scolaires. Fais calcul entre tes amis et tes intérêts. T'as intérêt à ratterrir avant de te faire enterrer. On fait que s'empêtrer, tant qu'on se mentira. Les choses empirent, car sans tirer, personne sentira. Un discours victimaire fait tourner la malchance. Les marchands de rêve sont des littéraires qui vendent du mic. Quand on marche comme des funambules, sans sécurité, on fume, on se bute et on vois qui sera le puniqué. En vérité, pris à la gorge comme à la corité, armé broliqué, on croit avoir plus de chance qu'au lycée. Notre odyssée nous a laissé trop de blessures. Nos parents nous le disaient, au final on les a trop déçus. Où va le monde? Le monde, c'est pas la fête, man. Tout le monde est réduit au silence comme la guerre au Vietnam. Où va le monde? Le monde devait nous appartenir. Chaque année des résolutions qu'on peut pas tenir. Où va le monde? Le monde tourne à sa perte. Comment s'acquiert la dignité? Y'a plus rien de sincère. Où va le monde? Le monde s'écoule sous son poids. Si tu crois au rêve américain, j'ouvre des trois. J'rappe mon métissage, ta femme est tissouate, j'médite sage. J'vais pas le rester pendant que ma tessie crame. Mon dévisage, mon style et mon accoutrement. L'accoutumance t'effacera jamais le doute et le manque. Le mal domine, et t'es là hier et sera encore à demain. Nos âmes dévident la raison, vu comment ils parlent des miens, on part de rien. Combien de médecins ou d'avocats? À peine un, en tout cas une vie tient, on n'en veut pas. Alors on se bat jour et nuit, ça sort comme on peut. L'état n'écoute rien, mais quand on parle fort et correct, nos mères et bleues. Nos pères désespèrent, on était tellement sûrs qu'on les rendrait fiers. Au lieu de ça, les nœuds je s'arme. Les fleurs du mal fan, eux savent que c'est le front de mes frères. Des malfrats, la maille ça fait pas le bonheur. Ça y contribue, le combat continue. Faut qu'on brasse avant qu'on tribue. Où va le monde? Le monde, c'est pas la fête, man. Tout le monde est réduit au silence comme la guerre au Vietnam. Où va le monde? Le monde devait nous appartenir. Chaque année des résolutions qu'on peut pas tenir. Où va le monde? Le monde tourne à sa perte. Comment s'acquiert la dignité? Y'a plus rien de sincère. Où va le monde? Le monde s'écoule sous son poids. Si tu crois au rêve américain, j'ouvre des trois. Laisse les beaux discours, on peut plus les raisonner. Ils veulent traîner zoner, la rue a fait de ses prisonniers. Bitch money, leur seul vocabulaire. À la recherche d'air pur, s'étouffe d'une grosse taffe pure d'herbe. Ça se connaît, se tire dessus pour un hall de bâtiment. C'est pas la connerie, mais les sous en banque qui manquent. Les bandes s'émancipent, passent leur temps volé, menti. Le talent paie, ça ferait longtemps que ça dealerait moins de shit. Les gens disent qu'on est ingrat, disent qu'on se plaint grave. On pèse à qu'on prenne pas crainte, qu'on se présage. Ici c'est l'enfer, on le côtoie bien trop près. Faut pas se tromper, le canal de l'ours c'est pas Saint-Tropez. Trempé dans le banditisme avant d'opiacer. Au quartier on brandit le feu pour finir au placé. Faut pas chercher les raisons de notre échec. On est que le reflet de notre époque avant la fin de notre espèce. Ouais.